pronto soccorso. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL. Heureux de vous retrouver ce soir depuis nos studios à Québec, quartier Limoilou. Et oui, alors belle et heureuse et paisible année 2024 à toutes et tous qui êtes à l'écoute. Gaëtan Gosselin avec vous jusqu'à 22h. Il m'arrive de penser que les arts sonores ont peut-être fait leur apparition il y a fort longtemps. Sans doute à un moment où l'écoute du monde est devenue un sujet d'attention ou de réflexion. Et pour s'en convaincre, eh ben, très souvent on évoque les textes de Sénèque, des textes qui datent de l'Antiquité, des textes qu'il a écrits sur les bruits de la cité ou encore le silence de la nuit. Voilà, alors pour revenir à plus près de nous, eh ben, l'invention de la radio, à la fin du 19e, début 20e siècle, va aussi susciter de nouveaux modes d'attention et de réflexion et d'écoute sonore. C'est un peu dans cette veine que Boris Chassaigne, journaliste passionné de la radiophonie, lançait en 2015 un concours international de sonorité radiophonique intitulé « 60 secondes radio ». Le but de tout ça, offrir aux artistes et aux artisans du médium radiophonique une opportunité de diffuser et de connaître de nouvelles écritures radiophoniques, parce que la radio, dirait Boris, demeure une action artistique à écouter et surtout à préserver. Alors voilà ce qu'il nous propose, ce concours annuel intitulé 60 secondes radio, un concours basé sur le principe d'une participation libre ayant pour seule contrainte de ne pas excéder les 60 secondes chrono. Alors je vous propose ce soir l'écoute d'une sélection d'œuvres sonores tirées des quelques 200 projets présentés dans le cadre de la 9e édition du concours. Et d'entrée de jeu, on va prendre un peu de temps pour écouter les œuvres sélectionnées, couronnées, en 2023, en débutant ça par la mention spéciale du jury accordée au duo Sibian et Matt Ward, une trame intitulée « Language Gap numéro 1 ». Dans cette pastille sonore, raconte Boris Chassaigne, les créateurs portent les mots absents. On y devine les gestes des mains, une danse et l'amplitude d'un espace saillant et réconfortant qui rappelle l'Indonésie. Alors, vous allez voir, c'est une très belle pièce. Alors, on écoute ça. Se classant en troisième place de la sélection finale de ce concours 60 secondes radio, l'Américaine Kathy Samrow s'est vue récompensée pour une production sonore plutôt impressionniste. Dès la première écoute, une nostalgie nous envahit, raconte encore Boris Chassaigne. Un flux de souvenirs défile, surgit, Cathy Semrew sait remuer ce qu'il y a au plus profond de nous et le martèle avec précision, méthode et beauté. Je referme les guillemets, on écoute cette pièce intitulée « Gone Our Intangible Losses », récipiendaire du troisième prix. This boss really took a life that I to follow him, and to keep it. Only after years am I learning really what the is. Betrayal of my wife. I haven't. Le deuxième récipiendaire. La deuxième récipiendaire, je devrais dire, Phoebe McEndo, nous offre quant à elle une création joyeuse qui combine un enchevêtrement de couches sonores à la fois abstraites et tirées de la vie sauvage. Ça ressemble, dit-on, à une quête perpétuelle du bonheur, de nos désirs les plus profonds. Phoebe McEndo l'a traduit en mots, d'où surgit un désordre en boucle, nous rappellent les membres du comité de sélection. Alors, on écoute cette pièce intitulée « Desire ». What do you desire? What does your body What does your body desire? What do you want? There's a body. I want to see it growing older. I want to see you. Bones splitting, cells. We are not getting any younger. What is it that you want? Can you find it? Eh bien voilà, maintenant, premier prix. Remporté celui-là par Peter Beeston, qui nous offre une excellente, une très belle pièce rythmique qui intègre la voix humaine à un collage sonore plutôt désarmant, raconte un membre du comité. Il s'agit d'une production raffinée, magnifique, qui est à la lisière du précipice, raconte Boris Chassaing. Précipice que nous distinguons tous à l'horizon, que nous refusons de voir, de croire. Impossible d'arrêter la marche, dit-il. Ici, la terre est plate et nous allons trop loin. Peter Beeston et ses voix transpercent le cœur et la raison. Tout à fait juste, mon cher Boris. Alors voilà, on écoute ce projet intitulé « Keep Digging ». C'est de l'artiste Peter Beeston, premier prix du concours 60 secondes radio, un artiste, pour le rappeler, originaire du Royaume-Uni. Alors, on écoute cette belle pièce. Continue digging. Why stop now? Continue à creuser. Who knows what you'll find? Continue digging. The only way's down. Continue à creuser. You're already past the point of no return. Continue digging. Always finish what you start. Because in great ruin can lie great treasure. So, what have you found? Eh bien voilà, c'était courte présentation des récipiendaires du prix 60 secondes radio. Je vous propose à partir de maintenant un enchaînement de projets sélectionnés parmi les projets examinés par le comité 60 secondes radio édition 2023. Je vous rappelle que vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site Lacroche-Oreille ainsi que l'ensemble des propositions sur le site 60secondesradio.com. Alors voilà, on écoute cet enchaînement de pièces soumises au concours 60 secondes radio. The busiest day for people, or is every day busy? It is every day busy, but I'll say. Guys, for nobody, there's another bus coming here, so just have one, okay? Okay, one, two. However, when he left, things got a little bit strange. He then got into his presidential helicopter. My God. And flew over towards the west of That's Ireland. That's why, guys, you have to buy the tickets. It's a tiny little village known as Moneygall. And to tell you the truth, Moneygall is a type of place in Ireland that no one has ever heard of before. On a si peu de temps et qu'on n'a pas le temps de tout dire, alors il faut se dépêcher. J'ai peur du temps qui passe. Hein. Ah oui. Mais non, le Nord. 58. 8 x 9. Oh là là, 57. En 56. Mais on a suffisamment payé pour partir à 55 ans, vous voyez pas. Poids de forme, 54 kilos. 53. Nous approchons maintenant les 52. Et ben 51 briques. N'oubliez pas de refaire la même chose tous les 50 ans. Le début de l'été 42. 14 à l'envers aussi. 40 hertz. Et puis il y a dans la journée peut-être 30 secondes qui valent le coup. 30 secondes qui valent le coup. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui ne sont pas foutus de compter jusqu'à 1. Let me tell you a story about the beginning. Some 15 billion years ago, our universe began. The mightiest explosion of all time. The universe expanded, cooled, and darkened. Energy condensed into matter was entirely matter. These atoms accumulated in vast clouds, rushing away from each other, that would one day become the galaxy. Within these galaxies, the first generation of stars was born, kindling the energy hidden in matter, flooding the cosmos with light, hydrogen atoms, suns, and starlight. Thank you. Les béquilles sont défeuillées, dénébulisées. Nous déquillons et dépecelons. Nous nous dupliquons séquentiellement splinétiques. Sorte de belle de nuit belliqueuse et bleuissante. Dépenaillés, nous sommes endeuillés et enfutaillés. Nous sommes ces pédantesques qui pullulent et qui quintuplent aliénés et ensablés, pleins de sulfite. Enfielés, nous étopinons sur notre faudesteuil. Nous fendillons des feuilletés à l'aide d'une pastilleuse. Nous sortons la pelleteuse et la pétanqueuse pour plastiquer les pecnos. Tous ces élastiques en cas de pie. Banquistes, battleurs, bleuissants du butadienne. You know me, do nothing by me. You know me, bad day gone. Bang, bang, bang, me. Mufa jam. Mon fait la tira bata. Se o le ran mi lowo. Ma tête seule et ta tête sur ta tête. Ta tête seule et ma tête sur ma tête. Ta tête sur ma tête et ta tête seule. Ma tête sur ta tête et ma tête seule. Ma tête seule et ma tête sur ta tête. Ta tête seule et ta tête sur ma tête. Ma tête sur ma tête et ta tête seule. Ta tête sur ta tête et ma tête seule. Ma tête seule et ta tête sur ta tête. Ta tête seule et ma tête sur ma tête. Ma tête seule et ma tête sur ta tête. Ta tête seule et ta tête sur ma tête. Ma tête seule et ta tête sur ta tête. Ta tête seule et ma tête sur ma tête. Ma tête sur ma tête et ta tête sur ta tête. Ta tête sur ta tête et ma tête sur ma tête. Ça y est, ça enregistre, tu peux parler. Je sais pas où est le micro, mais après, il faut l'arrêter ici. La la la la la la la la la la. Comment on fait pour nous écouter? When I was young, kids always asked what I was doing with my eyes. Asked why they were twitching, what was wrong, how could I move them so fast? Why don't they look at me? Is that as still as you can? Is the world always shaking? Look at me. I don't see my nystagmus, my involuntary rhythmic side-to-side eye movement. My brain stabilizes my vision. But as I get tired, my focus untethers. Lights in dark rooms start to shake. Dancing street lamps, drunken neon, everything shudders. When I was young, kids asked me questions, and I relished the opportunity to explain myself, my albinism, my disability. I miss the boldness of children. Adults are polite. They don't ask questions about difference, so I don't get to tell them about who I am and what I see, about relaxing into the rhythm and watching the world pulse back and forth and back. And forth and back and forth and back. Close your eyes. I want you to picture a house, a giant yellow house. It's crumbling and it's completely full of everything, a whole life, a grandiose staircase, chandeliers, photographs, trophies, pill bottles, a child's room. Surrounded by purple walls, and written in black paint is a message from the person who used to sleep here. And downstairs in the study, next to the giant birdcage and the guitar, sits evidence that someone broke the law. And that's not speculative. You can look it up if you can figure out where my fantasy has taken us. It's a mansion in the mountains, and it's full of life, but the people who used to live here are nowhere to be found. So let's imagine them together. The wind and the rain. Peace and quiet. Getting lost. For me anyway, to stop and think and enjoying the peace of... It's peace, yeah, it's just a little moment of peace. You can walk for miles and not see a sinner. And it's just a little moment for yourself to... Eh bien, voilà ce qui complète la première demi de l'émission consacrée ce soir aux artistes, candidates et candidats au concours international 60 secondes radio. Alors, restez des nôtres. On poursuit ça après un bref, très bref, battement promo. No. It's going to be a little challenging with that gun. Yeah, I was just thinking that. It's loaded. Stick it in there. Make sure you can get right between. Try to get it right between there. Is that close? You push the thing in there farther. Can I pull the trigger? No. Here you go. It's dead. I'm proud of you. That's not easy to do. Mm-hmm. That was a perfect shot. None of us wants to kill, but we all want to fucking eat meat. Vous écoutez La Croche-Oreille. Vous êtes sur les ondes de CKRL, le 89.1, qu'on retrouve également sur la toile à ckrl.qc.ca. C'est La Croche-Oreille, une aventure sonore. Gaëtan Gosselin au microphone avec vous jusqu'à 22h. Je vous propose ce soir, ensuite de la première demi, une écoute en continu de quelques-uns des nombreux projets sonores présentés dans le cadre de la 9e édition du concours international 60 secondes radio. Un concours inspiré, mené par le journaliste et passionné Boris Chassagne. Depuis 2015, c'est près de 1100 réalisations en provenance d'une quarantaine de pays qui ont été soumis, proposés à ce concours par des réalisateurs, réalisatrices, artistes aussi et artisans de la radio qui s'expriment, il faut le souligner, dans près de 30 langues. Aux yeux de Chassagne, l'animateur et initiateur de ce projet, 60 secondes radio est plus qu'un concours de création, c'est aussi une plateforme de diffusion et de distribution d'œuvres radio aux quatre coins de la planète. Et tout cela est bien réel parce qu'on retrouve des partenaires de diffusion radiophonique un peu partout dans le monde, dont CKRL. Et pour remettre ça en contexte, ce concours intitulé 60 secondes invite chaque année des créateurs à soumettre des œuvres pour écoute d'une durée maximale de 60 secondes. Un comité de sélection examine tout ça, la singularité du propos, le traitement sonore, la valeur artistique, pour départager, récompenser des des créateurs, des artisans du monde radiophonique. Alors, l'édition 2023 reconnaissait, comme on l'a mentionné en première partie d'émission, les travaux de Matt Ward, de Sibian, de Cathy Samrow, Phoebe McKendo et de Peter Beeston. Alors, toutes nos félicitations aux récipiendaires dont vous trouverez les œuvres sonores sur le site 60 secondes radio. Mais pour l'instant, restez ici parce que j'enchaîne à l'instant avec une sélection de projets soumis dans le cadre de l'édition 2023, chaque projet étant d'une durée de 60 secondes. Alors voilà, bonne écoute au cours des prochaines minutes. It's really beautiful. Story of little Lida. Les fleurs de la petite Lida. Flower talking to each other. And she could talk to the flowers. I really don't remember the story, I just remember the image. my language is Polish, so I wonder if we'll be more easy to express absolutely sincere emotions, for example, in English. I'm just coming to my parents' house. I'm coming with my friends. We open the door, say hello to my mom. The dog says hello to us. There's a fire in the fireplace. One of my friends lives in England, and that's why when we all sit together by the fireplace, I ask her, Marta. Marta, could you tell me, is this more difficult to speak about challenging emotions in mother tongue or in foreign language? What do you think about it? So when I am living in my own country, it is much easier to speak about the difficult or challenging feelings using the foreign language. Using a foreign language. Well, 2 months ago, my dad passed away. I still cry some nights. This is a deja vu area. This is your first time here. One of our call agents tried to call this number. Is this place familiar? This is a deja vu area. This is your first time here. If this place feels familiar, notify security immediately. Press 1-1-1. If you see something, if you see anything, hello? Say something. Oh, hi there, Chris. Vigilance, it is our duty. This is your first time here. Your name and phone number after the beep. We will return your call. We will return your call. Thank you. Black trans joy. Joy, happiness, caused by something exceptionally good or satisfying. An emotion of great delight. Festive gaiety. A state of felicity. An experience of euphoria. Joy, all the things we deserve. To my sisters. To my sisters. Find freedom in joy and liberation. Find euphoria. Sisters, I love you. Ah, c'est beau. Ouais. Il y en a un élan, il y en a un. Ce rapport, ça j'avais rarement vu, même ça me paraît incroyable cette histoire de magnifique. Mais tu vois, de temps en temps, il y a une voiture qui passe, donc c'est... Regarde par oh, là, regarde là, oh là, là, avec les feuillages autour, oh avec les... Mais on a l'impression... Enfin, ça te... Oh là là, c'est beau. Alors voilà. Ça c'est merveilleux, vraiment. Avoir découvert ça, enfin je le savais, mais je ne l'avais jamais vu. Il y a la mer. Tu vois la mer qui. Oui. Bonjour, après-midi, soir, chers auditeurs. Aujourd'hui, je voudrais parler du lien important entre la radio et l'avenir de notre planète. La radio est un outil puissant qui a la capacité d'atteindre des millions de personnes dans le monde. Grâce à la radio, nous pouvons éduquer, inspirer et motiver les auditeurs à prendre des mesures positives pour un avenir durable. Le changement climatique, la pollution et d'autres défis environnementaux sont des problèmes de plus en plus urgents qui nécessitent notre attention. Mais grâce à la radio, nous pouvons sensibiliser à ces problèmes. Partager des solutions innovantes et connecter les personnes qui travaillent pour un avenir meilleur. De plus, la radio peut servir de plateforme pour les voix marginalisées, amplifiant des histoires et des perspectives qui autrement pourraient ne pas être entendues. En incluant diverses voix dans nos conversations sur l'environnement, nous pouvons construire un monde plus équitable et durable pour tous. Alors continuons à utiliser la radio comme un outil de changement positif, pour inspirer et connecter les auditeurs. Et pour construire un avenir meilleur pour nous-mêmes et les générations futures. Merci de votre attention. Thank you. Et bien voilà ce qui complète l'émission pour ce soir, composée de créations d'œuvres présentées dans le cadre du concours annuel 60 secondes radio. L'ensemble des pièces en candidature en 2023 sont accessibles en écoute libre sur le site 60secondesradio.com. Vous trouverez les coordonnées sur le site de l'Accroche-Oreille sur le web. Alors voilà, grand merci aux artistes et artisans de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres. Grand merci également à Boris Chassagne, grand inspirateur de ce projet magnifique sur les plans artistiques, radiophoniques et sonores. Et quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h, pour une autre aventure sonore. Au microphone, Gaëtan Gosselin qui vous salue. You say Martin Luther Jr. died so young. I feel that way too. But as I have said many times before, it isn't how long one lives, but how well. I have only just a minute, only 60 seconds in it. Forced upon me, can't refuse it. Didn't.